Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est samedi et on se retrouve pour notre émission. À la rubrique découverte, je voudrais Wild Cherry et son titre Play Some Funky Music. Tout est dans le titre. Alors elle est sortie cette chanson en avril 1976 comme premier single du premier album du groupe intitulé Wild Cherry. C'est le nom de l'album. Le single il va atteindre la première place aux États-Unis et il va être certifié disque de platine pour plus de 2,5 millions de disques vendus dans le monde. C'est déjà pas mal. À ses débuts, Wild Cherry c'est plus un groupe de hard rock. Mais avec l'avènement et la popularité du disco, c'est vite devenu plus difficile de faire des concerts en raison de l'envie du public de vouloir danser. Rob Parisi, le chanteur et le fondateur du groupe, a dit au groupe que s'ils voulaient être engagés, ils allaient devoir commencer à inclure des morceaux de danse dans leurs concerts, mais le groupe a résisté à l'idée de devenir un groupe de disco. Alors que Wild Cherry jouait à la discothèque 2001 Club, devant un public majoritairement afro, une personne dit à Rob Battle, un membre du groupe, pendant une pause. Allez-vous jouer de la musique funky ? Parisi, inspiré par ses mots, prend un stylo ainsi qu'un bloc-notes et écrit la chanson en 5 minutes chrono. On a chronométré, je vous rassure. Les paroles décrivent littéralement la situation difficile d'un groupe de hard rock qui s'adapte à l'ère du disco. C'est parti ! Yeah. Alors, le 25 mars prochain, c'est l'anniversaire du grand, un très très bon pote. Alors, j'ai décidé comme cadeau de lui dédicacer ce titre aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si tu connais, mais ce titre, il va t'enchanter. Gary's Gang et son Knock Me Out, une pure merveille. C'est paru en 1982, mais ça sera pas leur titre le plus connu, mais le titre le plus connu chez eux, ce sera Keep On Dancing, paru lui en 1978. Alors Jean-Loup, je te souhaite un bon anniversaire et régale-toi bien. We'll be right back. Fadjet, d'hier à aujourd'hui, tous les hits que vous aimez. Pour la phase B, Cool and the Gang et son Good Time Tonight, tiré de l'album Something Special, paru en 1981. Alors, bien sûr, il est sorti en phase A, mais aussi, il a fait partie des phases B de Big Fun. Un peu dans la même veine que Celebration, on va dire, ce morceau, je pense, vous ravira. De là à en faire une pépite, il n'y a qu'un pas dont je vous laisse seul juge. Pour le maxi, je vais vous proposer Geraldine Hunt et son Can't Fake the Feeling. Sorti en 1980, il est extrait de l'album No Way. Alors le titre atteindra la première place des charts durant 7 semaines consécutives, rendez-vous compte. On doit aussi à la chanteuse, le célèbre Murphy's Law, que je vous proposerai un de ces quatre. Mais là, c'est autre chose et c'est maintenant. Good to do. On arrive doucement mais sûrement à la pépite. Une chanson que j'ai beaucoup entendue dans ma jeunesse, surtout à lire chez JP. Ça va rappeler des souvenirs à certains. Le duo Charles et Eddie et leur titre « Would I Lie to You » paru en 1992 et qui se classera en tête des ventes dans plusieurs pays, certifié d'ailleurs disque d'or et de platine. La chanson, elle est tellement fun qu'elle sera reprise par David Guetta himself, excusez du peu. Alors, une autre chanson aura aussi du succès, c'est Shine. Mais patience, vous l'aurez dans un prochain numéro, ça c'est promis. Par contre, c'était en 1992 et ça donnait ça. Alors voilà, nous sommes arrivés au terme de notre émission. C'était très très sympa et je vous donne rendez-vous semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bye bye!